de la maison. J'ai dit bye à mes enfants et promis de revenir le lendemain matin. Chaque jour est aujourd'hui. J'ai pas vu toi et les enfants. C'est pour ça que j'apprêterai les portugais. Sing along if you know it.